Lévitique chapitre 2. Et quand quelque personne offrira l'offrande du gâteau à l'Éternel, son offrande sera de fleurs de farine, et il versera de l'huile sur le gâteau, et mettra de l'encens par-dessus. Et il l'apportera au fils d'Aaron sacrificateur, et le sacrificateur prendra une poignée de la fleur de farine, et de l'huile dont le gâteau aura été fait, avec tout l'encens qui était sur le gâteau, et il fera fumer son mémorial sur l'autel. C'est une offrande faite par feu en bonne odeur à l'Éternel. Mais ce qui restera du gâteau, sera pour Aaron et ses fils, c'est une chose très sainte d'entre les offrandes faites par feu à l'Éternel. Et quand tu offriras une offrande de gâteau cuit au four, ce seront des tourteaux sans levain, de fine farine, pétris avec de l'huile, et des beignets sans levain, oint d'huile. Et si ton offrande est de gâteau cuit sur la plaque, elle sera de fine farine pétrie dans l'huile, sans levain. Tu la mettras par morceaux, et tu verseras de l'huile sur elle, car c'est une offrande de gâteau. Et si ton offrande est un gâteau de poêle, elle sera faite de fine farine avec de l'huile. Puis tu apporteras à l'Éternel, le gâteau qui sera fait de ces choses-là, et on le présentera au sacrificateur, qu'il apportera vers l'autel. Et le sacrificateur enlèvera son mémorial, et le fera fumer sur l'autel, c'est une offrande faite par feu en bonne odeur à l'Éternel. Et ce qui restera du gâteau, sera pour Aaron et ses fils, c'est une chose très sainte, d'entre les offrandes faites par feu à l'Éternel. Quelque gâteau que vous offriez à l'Éternel, il ne sera point fait avec du levain, car vous ne ferez point fumer de levain, ni de miel, dans aucune offrande faite par feu à l'Éternel. Vous pourrez bien les offrir à l'Éternel dans l'offrande des prémices, mais ils ne seront point mis sur l'autel pour être une oblation de bonne odeur. Tu saleras aussi de sel toute offrande de ton gâteau, et tu ne laisseras point manquer sur ton gâteau, le sel de l'alliance de ton Dieu, mais dans toutes tes oblations tu offriras du sel. Et si tu offres à l'Éternel le gâteau des premiers fruits, tu offriras, pour le gâteau de tes premiers fruits, des épis qui commencent à mûrir, rôtis au feu, savoir les grains de quelques épis bien grenés, broyés entre les mains. Puis tu mettras de l'huile sur le gâteau, et tu mettras aussi de l'encens par-dessus, c'est une offrande de gâteau. Et le sacrificateur fera fumer son mémorial, pris de ses grains broyés, et de son huile avec tout l'encens, c'est une offrande faite par feu à l'Éternel.